Êtes-vous fatigué ? Demanda-t-elle en lui donnant un autre fruit. Je ne suis pas fatigué par le travail, mais fatigué de la vie, répondit-il. En voilà des idées, reprit-elle avec une sorte d'aigreur. N'avez-vous pas un bon génie qui veille sur vous ? Dit-elle en lui présentant les sucreries et lui voyant manger tout avec plaisir. Voyez, en dînant chez ma cousine, j'ai pensé à vous. Je sais, dit-il en lançant sur Lisbeth un regard à la fois caressant et plaintif, que sans vous, je ne vivrai plus depuis longtemps. Mais, ma chère demoiselle, les artistes ont besoin de distraction. Ah, nous y voilà ! S'écria-t-elle en l'interrompant, en se mettant les poings sur les hanches et arrêtant sur lui des yeux flamboyants. Vous voulez aller perdre votre santé dans les infamies de Paris, comme tant d'ouvriers qui finissent par aller mourir à l'hôpital. Non, non, faites-vous une fortune, et quand vous aurez des rentes, vous vous amuserez, mon enfant. Vous aurez alors de quoi payer les médecins et les plaisirs, libertin que vous êtes. Wenceslas Steinbock, en recevant cette bordée accompagnée de regards qui le pénétraient d'une flamme magnétique, baissa la tête. Si le médisant le plus mordant eût pu voir le début de cette scène, il aurait déjà reconnu la fausseté des calomnies lancées par les époux Olivier sur la demoiselle Fischer. Tout, dans l'accent, dans les gestes et dans les regards de ces deux êtres, accusait la pureté de leur vie secrète.